191e chapitre, ennemi imprévu. Une fois que le monoplan se fut élevé, les Français aperçurent alors l'aéro de Steiner. « Oh ! S'écria Fabien. Atterrissons ! Atterrissons vite ! Jamais nous ne retrouverons une aussi belle occasion. Je vais leur rendre l'appareil et incendier leur taco. » « Non, dit M. Voirin, je m'y oppose. » « Et pourquoi, patron ? » s'écria Fabien interloqué. « J'ai mes raisons pour cela. Ce n'est pas au moment où des centaines d'yeux sont braqués sur nous qu'il faut se livrer à un acte semblable. Mais ces gredins d'Alboche vont encore nous donner la chasse, tandis que si je flambais leur aéro, nous serions tranquilles jusqu'à la fin du voyage. » M. Voirin ne répondit pas. « En tout cas, reprit Fabien, je crois que le Steiner a son compte. »« Comment cela ? » demanda l'ingénieur. « Oui, je l'ai envoyé piquer une tête dans un ravin rempli de vases. Oh, soyez tranquille, on ne m'a pas vu. J'ai opéré trop vivement pour cela. » Pendant que l'aéro fuyait jusqu'à ce qu'il trouvât un endroit plus tranquille, où Grondard put enfin réparer sérieusement, la ville de Tingai était en révolution. Le malheureux gouverneur était revenu avec ses troupes, honteux de sa défaite, et il était allé trouver le résident anglais pour lui demander aide et protection. Ignorant de quoi il s'agissait et persuadé que la ville avait été envahie par une bande de pirates, le résident avait aussitôt donné des ordres aux policemen et aux quelques soldats dont il disposait pour que des patrouilles fussent envoyées dans la ville. Tingai était en effervescence et c'était la première fois que cette cité si paisible, où les hommes vivaient dans une douce somnolence, était secouée par une pareille révolution. Revenons à Steiner que nous avons laissé se débattant dans son ravin. Gartner et Baldur ont enfin entendu ses appels et l'ont retiré du cloaque infect où il allait trouver la mort. On juge de la fureur de l'Allemand, fureur qui eût été bien pire encore s'il avait pu se douter que c'était Fabien qui l'avait ainsi précipité dans le vide. Cependant, Steiner était à 100 lieues de supposer que son agresseur était le courageux Parisien auquel il avait déjà eu affaire. Il s'imaginait que c'était un Chinois affolé qui, en fuyant, l'avait poussé dans le ravin. Après s'être débarrassé tant bien que mal de la boue qui le recouvrait, l'Allemand avait repris place à bord de son monoplan et s'était lancé de nouveau à la poursuite de l'aéro-français. Cette fois, Steiner était décidé à tout pour se débarrasser de ses ennemis. « Il faut, avait-il dit, supprimer nous-mêmes ces maudits Français et ne plus compter sur les Chinois qui n'ont aucun courage. Patience ! L'heure est proche où nos ennemis disparaîtront pour toujours. » Et pendant que l'aéro filait, il fixait d'un œil irrité le monoplan de ses adversaires qui avaient sur lui une terrible avance. Le moteur, saboté par Gartner et merveilleusement réparé par Grondard, ronflait avec une régularité parfaite pendant que Fabien, au moyen de planches provenant d'une caisse, consolidait avec adresse le bordage de l'aéro et la partie du plancher endommagée par la bombe incendiaire. « Je crois, disait le Parisien tout en réparant, que cette dernière aventure est la plus sérieuse de toutes celles que nous avons eues. Quand j'y songe, je crois rêver. » « Le fait est, dit M. Voirin en souriant, que nous avons accompli ce que l'on peut appeler de véritables prouesses. Mais c'est à vous, Fabien, que revient tout l'honneur de cette terrible aventure. » « Bah, je n'ai rien fait de plus que vous. Tout le monde s'est distingué, jusqu'à Dick. » « Oui, s'écria Francis. Sans ce brave chien, Totao était perdu. Il demeurait aux mains des Chinois, et Dieu sait les supplices qu'ils auraient peut-être infligés à ce pauvre petit. » Et l'apprenti embrassa tendrement le jeune Tonkinois. Monsieur Voirin regardait à chaque instant derrière lui, car il craignait d'être rejoint par Steiner. Celui-ci était loin, mais il se rapprochait cependant à vue d'œil. Pendant plusieurs heures, ce fut une course folle, vertigineuse, puis enfin la nuit tomba. « Qu'allons-nous faire ? » demanda Grondard. « Allons-nous continuer à marcher dans l'obscurité ou allons-nous atterrir ? » Atterrir, c'est peut-être dangereux, fit l'ingénieur. Nous allons prendre sur l'Allemand le plus d'avance possible. Puis, quand nous serons arrivés près de Yangcheu, nous prendrons la mer pour gagner la pointe de la Corée. Se poser sur les flots en pleine nuit, s'écria Grandard. Quand nous atteindrons Yangcheu, il fera jour. Tout cela, c'était des projets. Mais quand on voyage en aéroplane, il faut surtout compter sur le hasard. Bientôt, il fallut revenir à terre et réparer de nouveau. « Écoutons bien, » dit M. Voirin, « il faut absolument savoir si notre ennemi passe au-dessus de nous et quelle direction il prend. Il nous croit encore dans les airs. Puisse-t-il s'égarer à notre recherche ?» Il faut croire cependant que Steiner avait eu une panne lui aussi ou qu'il avait pris une autre direction, car on ne l'entendit point passer. Déjà la réparation terminée, les aviateurs allaient reprendre la route de l'air, quand Dick, qui jusqu'alors s'était tenu immobile, sommeillant sur l'herbe, se dressa tout à coup en poussant un grognement de colère. Presque aussitôt, il se précipitait en avant. On le voyait bondir sur une masse noire qui venait de surgir à quelques mètres à peine et rouler sur le sol avec cet adversaire invisible. Les aviateurs crurent tout d'abord que le brave chien luttait contre un homme, mais Fabien, s'étant approché, son Winchester à la main, aperçut, à la pâle clarté des étoiles, un gros animal qui se débattait dans la gueule puissante de Dick. Le Parisien n'osait faire feu de peur de tuer le chien. Il n'eut d'ailleurs pas à faire usage de son arme, car Dick triompha seul de l'ennemi sur lequel il s'était jeté. Celui-ci reposait maintenant immobile sur le sol. Francis s'approcha avec une petite lampe électrique, en fit jouer le ressort et s'écria « Oh, le drôle d'animal! Qu'il est laid !»« C'est un tamanoir !» dit Monsieur Voirin. Nos lecteurs connaissent sans doute, pour l'avoir vu représenté en gravure, cette bête curieuse qui ressemble un peu au sanglier. Le tamanoir est un animal hideux. On l'a classé dans l'ordre des édentés. Son corps est recouvert de poils, sa tête allongée et terminée par une bouche peu ouverte. Il n'a pas de dents. Sa langue très longue, cylindrique, extensible, lui sert à prendre sa nourriture. Ses oreilles sont courtes, arrondies. Il a tantôt quatre doigts antérieurs et cinq postérieurs, armés d'ongles très forts. Le tamanoir ne se nourrit que de termites ou fourmis qu'il prend en enfonçant avec une grande vitesse sa langue charnue et longue de plus de deux pieds dans les fourmilières. Les fourmis adhèrent à l'humeur visqueuse et gluante dont cette langue est enduite, et en la retirant, ils les avalent. Sa tête est en forme de trompe tronquée, et dans sa plus grande largeur, elle n'égale pas la grosseur de son cou. Les ongles qui garnissent ses pieds antérieurs sont de très fortes armes, dont il se sert avec avantage pour sa défense. On s'accorde à reconnaître au tamanoir la faculté de grimper sur les arbres. C'est un ennemi redoutable qui, dès qu'on l'attaque, se défend avec une énergie surprenante. Dick, grâce à sa force colossale, en avait triomphé assez facilement, non sans éprouver toutefois la vigueur des griffes de cet affreux animal. « Brave chien, va !» fit Francis en caressant Dick. « Je disais bien, quand nous t'avons recueilli, que tu serais pour nous un gardien fidèle. »« Oui, » approuva Fabien, « c'est un solide défenseur, et j'ai idée qu'un de ces jours, Steiner aura affaire à lui. Je parie que c'est Dick qui réglera son compte à ce vilain Allemand. »« Espérons-le, » dit Francis. « Mais à propos, où est-il passé, ce maudit Steiner ?»« Parbleu, il s'est égaré en nous cherchant. » « Mais sois tranquille, » dit Fabien, « nous le retrouverons encore. »